Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Moi c'est Cécile et aujourd'hui je suis avec Laïla Henry, Anna Mouta Amis, excuse-moi si j'écorche, et bien sûr Lise pour parler de l'actualité principale de septembre, la rentrée. Alors bonjour à tous, bonjour Laïla, bonjour Anna, bonjour Lise. Je vous rassure tout de suite, on va parler de la rentrée, mais on va parler de la rentrée sportive, pas professionnelle ou scolaire, il n'y a pas de souci. On va commencer par les présentations, donc Lise de la Minute Lise, je ne te présente plus vu que tu as déjà fait une saison avec moi et que tout le monde te connaît. Donc je commence peut-être par Laïla, coureuse, triathlète et présidente du Vendeuvre Athlétisme. Je te laisse te présenter ton parcours sportif. Oui, bonjour à tous. Alors, mon parcours sportif, j'ai toujours fait du sport de toute manière. Et puis, j'ai fini par la course à pied. C'est mon mari qui m'y a menée. J'en avais fait, évidemment, quand j'étais petite. Mais voilà, ça permettait d'être ensemble. Donc, j'ai rejoint le NAM en 2013. Voilà, et j'ai toujours... j'ai adoré, donc j'ai continué. Et puis, pour changer un peu, on a un peu bifurqué vers le triathlon. Voilà, donc je fais principalement 10 km, semi-marathon. Mes camarades m'ont emmené sur le marathon. J'avais dit que je n'irais jamais. Toute distance, 10, semi-marathon, et puis la piscine et le vélo, quoi. Exactement. Et du coup, t'es venue à la course à pied, mais avant, tu faisais quoi comme sport? Je faisais de tout. Alors, et plus la jeune, course à pied, j'en ai toujours fait. En fait, je faisais de l'UNSS. D'accord. Donc, moi, je suis venue au sport par l'école. C'est pour ça que je pense que c'est important d'introduire le sport en même temps. De faire découvrir. Oui, exactement. Alors, c'est je me permets parce qu'on se connaît quand même et qu'on a presque le même âge. Tout donc, ça fait combien de temps que tu fais du sport? Depuis l'âge de, on va le dire, 6-7 ans. Voilà. D'accord. Et donc, je n'ai jamais une vingtaine d'années, quoi. Hein. Un peu plus. Ouais. Avec 20 ans d'expérience. Voilà, c'est ça. Ça fait 20 ans de sport avec 20 ans d'expérience derrière. C'est ça. C'est comme pour le marathon. C'est exactement. Juste un 10 bornes avec 30 km d'échauffement. Et là, toi, le parcours sportif, c'est la même chose. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Donc, tu es également présidente du Vendeuvre Athlétisme. Oui, alors, tout tu à peux fait. Nous expliquer un petit peu comment t'en es venue là, pourquoi? Alors, depuis on quand manque beaucoup de bénévoles. Ouais. Donc, je suis arrivée en 2012, le NAM, et j'habitais Vendeuvre, donc on m'a inscrit sur Vendeuvre Athlétisme, et on manquait énormément de bénévoles. Étant comptable, on cherchait un trésorier. Ah, c'est intéressé. Hésité, donc, je suis rentrée par la trésorerie. D'accord. Et ensuite, le président a dû partir parce qu'il occupait d'autres fonctions et il n'y avait personne pour, occuper le poste de président. Et on a vu que tu étais qualifiée. Pendant 2 ans quand même, il a essayé de me convaincre. Et en fait, le fait qu'il n'y ait personne à bord et qu'on est quand même une association qui comptait à l'époque déjà 200 licenciés et connaissant les petits... On a l'impression de les abandonner. Oui, c'est ça. Donc, je suis arrivée, à l'insu de mon plein gré. Un peu parce qu'il y avait de la lumière, mais... À l'insu de mon plein gré. Avec compétence. Voilà, c'est ça. Impec, merci. Anna, si tu veux bien. Donc, Anna, boxeuse et présidente de Boxe Française Vendeuvre. J'écorche pas. Non, c'est bien bon. Ça, oui. Voilà. Donc, tu peux, pareil, nous rappeler un petit peu ton parcours sportif? Ouais, alors bonjour, moi c'est Anna. Donc j'ai commencé la boxe il y a plus de 20 ans, j'ai plusieurs titres à mon actif, donc j'étais plusieurs fois championne de France, donc élite. Ah oui, quand même. En boxe, il y a deux différences, il y a l'assaut, il y a le combat, le combat où on recherche le KO et c'est vraiment les coups sont portés, et l'assaut qui pousse à la touche, plus esthétique. Donc moi j'ai fait combat, j'ai été championne de France 5 fois, donc élite A, le plus haut niveau. Deux fois championne d'Europe, élite A, toujours combat, et ensuite deux fois championne du monde. Alors, je me permets, hein, mais quand on te voit, on a du mal à imaginer que tu es boxeuse, parce que Anna est très jolie et il n'y a aucune marque de boxe. Et on ne frappe pas au visage, en fait, en boxe française? Ou vous êtes très protégée ou, Non, on n'est pas protégée à mon niveau en élite A, donc comme j'ai dit, c'est le plus haut niveau, on n'est pas du tout protégée. Les plus petits sont forcément un petit peu plus protégés avec des casques, ouais. Etc. Les seules protections que j'ai, c'est un protège-dents et puis une coquille. Il n'y a pas une espèce de casque? Rien? Non, du tout. Moi, je suis. Non, j'ai non, pas c'est de la casque. Garde, quoi. C'est ça. D'accord. Donc, tu te défends bien, hein, vu qu'il n'y a aucune trace, visiblement. J'essaye, en tout cas. T'essayes. Et c'est pas, d'ailleurs, c'est pas rébarbatif, enfin, pas rébarbatif, mais pour les femmes, est-ce que t'as déjà entendu des qui aimeraient bien, mais bon, d'un côté, d'un point de vue esthétique, éventuellement, ça peut poser problème? Non, parce que les chiffres le prouvent que les femmes sont vachement attirées par la boxe. Mmh. Donc, au début, ils ont des appréhensions, bien sûr, mais par la suite, non. Non. Non, ça fait pas partie des critères esthétiques en se disant bah, j'aimerais bien, mais bon, je me suis pris un coup, j'ai pas envie d'être défiguré non plus. Forcément, au départ, on se pose la question. Oui, on se pose la question, et puis après, quand on goûte au coup, et ben, on aime ça. Au coup de coup. À les donner ou à les prendre? Les deux. Les deux, carrément. Donc, pareil, ça c'est pour ton parcours sportif, et donc t'es présidente du boxe française Vendeuvre. Pareil, comment t'en es arrivée à devenir présidente? Et bah pareil, j'ai baigné dans le club et en fait, il n'y avait plus de présidence comme l'histoire de Leïla. Et ça s'est fait assez naturellement. J'ai un petit peu mis les houla, moi, à l'entraînement parce que j'ai eu deux enfants. Donc forcément, j'étais un peu moins présente. Ouais. Et j'ai compensé mon absence, on va dire, par la présidence. Donc pareil, on est en fait, pour tout ce qui est associatif et club sportif, on est sur vraiment un manque de bénévoles et on est preneur de toutes les bonnes volontés pour la présidence, les CA, les choses comme ça, quoi. On est venu te chercher. Bah, c'est ça, en fait. Quand on a vécu dans le club, c'est plus un club, en fait, c'est une histoire de famille. Mmh. Donc forcément, on est, si on peut donner le moindre coup de main ou faire quelque chose, être bénévole, et ben on le fait, du coup, ouais. C'est plus facile. Ouais. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a pas mal de femmes dans les CA, parce que, enfin, je sais pas, ou alors on a le côté, on n'ose pas abandonner un petit peu les jeunes sur la touche, pas moins consommateurs, plus acteurs, peut-être. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, certainement. Oui, certainement. Alors, nous, il y a encore pas mal d'hommes. Mais effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui s'impliquent. Mais je pense que les femmes, elles se mettent des barrières parce qu'elles se disent « Ah ben non, il y a la vie de famille, il y a les enfants. » Oui, c'est prenant. C'est très chronophage. Mm. Donc oui, il y a quand même une barrière pour les femmes. Nous, on n'est que deux femmes au comité. Voilà. D'accord. Alors, donc on est là pour parler de la rentrée sportive, mais déjà, on va faire une petite rétrospective sur l'événement mondial de l'année, à savoir les JO de Paris. Pour commencer, chacune, quel a été votre ressenti par rapport aux JO? Alors déjà, à l'annonce des JO en France, quand on a vu arriver l'événement, avant, c'était un peu mal engagé. Hein, quand on avoue que, pour en avoir discuté avant, le début de l'année, quand on a vu l'organisation, en tant que sportif, on se dit « mais qu'est-ce que ça va donner ce truc ?» Et en fait, il y a une espèce de... Au moment de l'entrée, de la cérémonie d'ouverture, je pense qu'il y a eu vraiment une ferveur populaire et finalement, c'est parti en feu d'artifice, ce truc. Enfin, toute la France s'y est mise et c'était une grande communion. Quoi. Donc vous, en tant que sportive, par rapport au spectateur lambda, on va dire, comment vous l'avez vécu? Donc, je sais pas, peut-être Anna en premier? Bah déjà, le sport, je pense que ça fédère énormément. Donc, je savais que ça allait cartonner. Et puis, en plus de ça, c'est les JO. C'est pas toi, t'avais aucun doute? Non, j'avais pas de doute sur ça. Je savais forcément que le sport et tous les sports ensemble réunis, et surtout en France, que ça allait créer un gros événement. Oui. Et tu t'attendais quand même à une ferveur comme ça, avec les gens qui étaient tous excités, avec des drapeaux. On a eu de la chance sur la météo, en plus. Enfin, je veux dire, c'était vraiment festif. C'était super sympa à regarder, quoi. Bah alors, si ça avait été le foot, j'aurais eu aucun doute. Parce que je connais la popularité du foot. Après, tous les sports réunis, j'avais un petit doute. Mais au final, j'étais très surprise moi-même. Ouais. Et la cérémonie d'ouverture? Magnifique. Ah, voilà. Après, il y a eu des choses... discutables. Chacun son point de vue. Mais ton point de vue, c'est magnifique. C'est, oui, tout... Ouais. Pas forcément la cérémonie d'ouverture, mais tous les JO, ouais. Ça, magnifique. Ouais, donc dès que c'était parti, quoi. T'as tout regardé. Et ça a rattrapé l'effet élection qui a précédé. Ouais, je pense qu'on avait besoin d'un moment de détente. C'était bien, ouais. Et toi, Leïla? Alors moi, j'ai eu la chance d'y être aux JO. Oui, alors toi, t'as assisté à plusieurs épreuves? Ah oui, j'y suis allée les deux semaines, quasiment. Ah oui, carrément. Carrément, parce que j'ai un mari... hyper passionné par le sport, tout sport. Donc lui, dès lors de l'annonce des JO à Paris, c'était acté dans sa tête. Il serait à Paris. Et je suis sûre qu'il sera à Los Angeles. Ah oui, carrément. T'as déjà prévu tes vacances dans 4 ans. Mon mari, il vit par le sport. Et lui, il n'avait aucun doute. Moi, j'étais un peu plus sceptique. Ouais, on avait, sur l'organisation, on avait un petit... Oui, je me suis dit, au niveau sécurité, faire ça en plein Paris, ça va être compliqué, j'avoue. Mais en fait, une fois arrivé là-haut... C'est bizarre, c'est que tout s'est estompé parce que on se sentait en sécurité et on sentait vraiment une atmosphère. C'était festif. Enfin, je l'ai vu qu'à la télé, moi. Complètement détendu, ouais. c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Ouais. T'es contente d'y être allée? Ah oui. Donc merci à mon mari. Merci Geoffrey. Lise, je te laisse donner ton avis quand même, hein, c'est la moindre des choses. J'ai assisté également, comme Leïla, mais à une seule soirée d'athlée. D'accord, t'es allée sur quoi? Ouais, à la dernière soirée. D'athlée en plus. Ouais, d'athlée. Ouais. Et sincèrement, c'était incroyable parce que, pareil, j'avais un peu peur. Moi, j'avais peur, par contre. Je savais pas si ça allait bien se passer. D'un point de vue sécurité? Ouais, d'un point de vue sécurité, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, tout le monde était détendu. Il y avait pas trop de monde et en même temps, il y avait énormément de gens. Et j'ai pas une seule fois douter de la sécurité, en fait. D'accord. Et c'est vrai qu'il y avait un effet de groupe ou de supporters qui était incroyable. Et en fait, la veille, j'ai regardé le match féminin des basketteuses qui nous sont ensuite allées en finale. Et je l'ai regardé dans un bar et tout le monde se prenait au jeu, tout le monde était content, alors que c'est pas forcément notre sport de prédilection. Oui, basket, c'est pas trop ton truc. Mais c'est intéressant. Et en fait, le sport, ça rassemble et ça donne de la joie à tout le monde, en fait. Donc, je pense que c'était bien que Macron ait suspendu le problème des élections, de nommer un gouvernement. Ça fait vraiment la parenthèse, quoi. Mais ouais, ça fait la parenthèse et ça fait du bien. D'accord. Donc, c'était vraiment un bel événement. Los Angeles dans 4 ans? Peut-être. On ne sait pas. Alors, je vais vous proposer une petite pause musicale sur une proposition de Anna. Je te laisse introduire la musique que tu souhaites et puis surtout, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Oui, vous allez écouter Jam Suzy 2003. Donc, c'est une artiste qui m'a bercée pendant toute ma jeunesse. Et c'est le titre que je mets lorsque j'entrais sur le ring. Donc, ça représente beaucoup de choses. D'accord, donc il y a un petit effet motivation? C'est ça. Allez, c'est parti pour Suzy 2003. On m'attend au studio, pareil qu'il y a un challenge là-bas, pareil qu'il y a une petite qui dit Zizi, j'ai la manche là-bas. Bon allez chiante en plus, ce matin je suis pas d'humeur. Je vais voir son producteur qui pour m'avoir à jouer la lumeur. Moi c'est Suzy, je rappe et je déchire. Je parle de Uzi, de rat des désirs. Je vais dans la provoque, ouais, je suis la future Missy. Je suis une meuf trop top, ouais, une bombe et même un missile. Donc faut que je crame ma rivale dans le tournoi. Faut que je mette le paquet, sinon la victoire elle est pas pour moi, j'avoue c'est le trou noir. Si je perds c'est la honte, mais je suis pas sournoise. Car je veux percer là-haut, tu veux me cerner. Je rappe mieux que toi et ta bande. Direct quand tu m'écoutes, ferme-la, cache et abandonne. Donc diamant, diamant, je vais lui mettre un perfect. Elle a à peine lâché une phase que déjà moi j'intercepte. Tu redis quoi ça? Est-ce que tu contestes? C'est pas hasard qu'on m'ait pris dans ce contexte. Moi c'est Suzy, oh, je vais la rabaisser. Le millilier, des vannes par millilier. Je vais la scier, je vais la pililier, pililier. A aucun groupe, ni lascar ni tribu. Suzy, millilier, aux défaites que je distribue. Moi c'est Suzy, je rappe et je déchire. Je parle de Uzi, de raté de désir. Peu importe qui gagne, quoi qu'il arrive, la coupe est pour moi. Je fais le nécessaire pour remporter le tournoi. Peu importe qui gagne, diamant c'est fulgurant. Diamant c'est tête d'affiche, diamant c'est plus les figurants. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes à se prouver? Diamant, pareil que je suis rare. Diamant, que je suis dur à trouver. Pareil que je suis dyslexique, car pareil que j'ai dyslexique. Pareil quand je dis lésique, y'a des filles qui se disent sceptiques. Elle est tellement pas connue que je savais même pas qu'elle existait. Faut pas que je reparte toute nue, faut pas que je la laisse résister. Mais bon, malgré tout, diamant, j'ai pas d'handicap. J'ai le flow que cernent les demoiselles. Et que même les bandits captent, logiquement, je devrais même pas rentrer dans le jeu. Mais c'est plus fort que moi, je devrais même pas car c'est dangereux. Imagine qu'elle me sorte, moi, puis je m'en fous des polémiques. Si la fille elle pose unique, moi je m'en fous du kick, moi je pose gros les filles. Bon, faut que je roule, je vais être en retard. Elle va croire que je fuis, même si elle suit. Je ferai pas de sentiments. Elle verra qui je suis. Diamant, je suis la force. Elle le légume. Et je dédéguste la fille. Je dédégomme. Quand mon flow de n'importe qui gagne, quoi qu'il arrive, la coupe est pour moi. Je fais le nécessaire pour remporter le tournoi. Peu importe qui gagne, diamant c'est fulgurant. Diamant c'est tête d'affiche. Diamant c'est plus les figurants. Bienvenue sur Brut de Femmes pour le fameux clash entre Diams et Suzy. Ça va déchirer. Préparez vos cassettes. Alors c'est toi la rivale, toi qui passes à moi frime. T'as à peine 15 ans, tu marches de travers, 75 à deux poitrines. Mais bon, vas-y rappe un peu, que je rigole beaucoup et fort. T'as intérêt d'avoir du cran et d'avoir fait beaucoup d'efforts. Mais tu sais pas que je suis Suzy, je manie le mic comme le fusil. Je pète tes fusibles, je rappe à la chaîne, en gros je rappe à l'usine. Pourquoi tu l'ouvres avec ta voix rauque? Ouais, je t'ai fumé trop de maroc, on parle de toi dans les arocs avec ton rap de woke. Hey, Vincile, montre l'heure qui met à l'amende qui, hein. Diamant qui met à l'amende, diamant qui pose salement, diamant qui pose sagement, Suzy, sagement, moque, même si le message manque dans ce passage, non, et dire que c'est pas sage, non, diamant c'est de l'abattage, non. Diamant gueule son nom, diamant dans ta sono, diamant dans ta son, diamant tentation son tour de cramer sa rivale, si elle arrive à le faire, ce qu'elle va le faire avec la poignée, ça va le faire. Et maintenant, Vinci, tu remets le son normalement, parce que la petite, je crois pas qu'elle puisse suivre, diamant. Tu m'as fait un vrai coup de crasse, tu mérites des vrais coups de crosse, des vrais coups, je casse ton image, car moi, Suzy, j'ai du partout, je passe. J'aurai ma revanche, tu n'y es acharné, dis ce que tu veux, je déchire, même si je suis dur à cerner. Peu importe qui gagne, quoi qu'il arrive, la coupe est pour moi. Je fais le nécessaire pour remporter le tournoi. Peu importe qui gagne, diamant c'est fulgurant. Diamant c'est tête d'affiche, diamant c'est plus les figurants. Franchement, là y'a eu de la mise à l'amende grave. Et on sait tous pourquoi. Parce que là, là. Diamant qui met à l'amende, diamant qui pose salement, diamant qui pose sagement, Suzy, sagement, moque. Même si le message manque dans ce passage, non, et donc c'est pas sage, non, diamant c'est de l'abattage, non. Diamant gueule son nom, diamant dans ta sono, diamant dans ta son, diamant tentation tour de cramer sa rivale. Si elle arrive à le faire, ce qu'elle va le faire avec la poignée, ça va le faire. Jams, jams, jams, jams, jams, jams, non, non, non, c'est jams, jams, jams, jams, jams, jams, non, non, non, c'est jams, jams, jams, jams, jams, jams, non, non, non, c'est jams, jams, jams, jams, jams, jams, non. Non, non, non, c'est jams, jams, jams, jams, jams, jams. Non, non, non, c'est jams, jams, jams, jams, jams, jams. Non, non, non, c'est jams, jams, jams, jams, jams, jams. Non, non, non, c'est jams, jams, jams, jams, jams, jams. Non, non, non, c'est jams, jams, jams, jams. Des filles sport sur Fadjet, exclusivement consacré au sport féminin. De retour dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Aujourd'hui pour parler rentrée sportive, donc on y est. Et on va commencer cette seconde partie avec Lise, pour la Minute Lise. À toi. Alors, aujourd'hui on parle de rentrée sportive à la suite des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se sont déroulés à Paris. Donc, on n'a pas encore de chiffres parce que c'est encore la rentrée. Mais on peut noter que la natation rencontre un franc succès avec les rentrées sportives, grâce aux médailles de Léon Marchand notamment. Mais il ne faut pas oublier celle de Anastasia Kirpichnikova. Ensuite, on a aussi le judo avec Teddy Riner et également Clarisse Agnenenou. Excusez-moi pour la prononciation si je le prononce mal. Mais également un sport individuel dont on n'avait pas vraiment connaissance ou qui n'était pas assez mis en lumière, c'est le ping-pong avec les frères Lebrun qui ont brillé lors de ces JO. D'un point de vue sport collectif, c'est le volley et les baskets qui rencontre également un franc succès pour les rentrées sportives, selon les présidents de clubs en France. Par contre, les sports individuels tels que l'athlétisme, la gym ou même la boxe, mais on laissera Anna nous dire ce qu'il en est, ne rencontrent pas trop de succès suite aux Jeux Olympiques. Peut-être parce qu'on n'a pas eu non plus de médailles mises en avant lors de ces JO. Mais je tiens à dire, pour rejoindre un propos que Laïla a tenu en début de partie, comme quoi il est important de faire du sport à l'école. Et les JO ont mis en avant le fait que c'était important de créer une section sportive, peut-être pour les sportifs de haut niveau au lycée, pour concilier sport et études. Et c'est envisagé à l'INSEP, éventuellement, de Paris. Eh ben merci Lise pour toutes ces infos et on va justement rester sur cette thématique. Défi sport sur Fadjet. Alors on vient de voir les tendances nationales avec Lise. Anna et Laïla, vous en tant que présidente de club local, est-ce que vous pouvez nous parler des tendances du coup pour votre sport au niveau local? Peut-être Laïla en premier. Alors au niveau local, on a beaucoup de nouveaux, effectivement. Alors des demandes de nouvelles adhésions. De nouvelles adhésions, oui, ouais. Tout à fait. Et souvent c'est des jeunes qui effectivement disent sont là parce que ils ont vu les JO. Et nous, on a quand même. J'ai un petit jeune qui m'a dit, est-ce que je ferai du saut à la perche. Du saut à la perche, exactement. Du saut à la perche. Ouais, le truc, pour attaquer l'athlée, on commence fort. On m'a jamais parlé du saut à la perche. Comme quoi, c'est un impact. Ouais. Donc si, j'ai beaucoup de nouveaux, et quand je leur demande la motivation, parce que je demande leur motivation, et c'est les JO, effectivement. Alors même si on n'a pas eu de médaille en athlée, effectivement, ça attire. Oui, en saut à la perche, on n'en a pas eu, mais ça leur a plu, quoi. Mais oui, c'est la première fois. En fait, ça m'a surpris, parce que c'est la première fois qu'on me demande si on fera du saut à la perche. Enfin, qu'un jeune, il devait avoir 7-8 ans. Ah oui, très jeune. Très, très jeune. Ça attire. Donc, alors justement, 7-8 ans, c'est quelle tranche d'âge, en fait, qui se tourne vers l'athlée, du coup, là? Des très jeunes? C'est très jeune. Ouais. Nous, on a plus de la moitié du club, c'est des jeunes. C'est des très petits. C'est-à-dire, c'est la tranche d'âge 6-12 ans. À 6-12 ans. 6-12 ans. D'accord. Alors, on a un peu plus, on va dire jusqu'à minime. On arrive à les garder. Donc, jusque, c'est à peu près collège. D'accord. Donc, on arrive à les garder. Après, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que c'est là où on doit revoir notre système. C'est-à-dire que c'est des gens qui rentrent soit au lycée, soit au lycée. Ouais. Et donc, ils ont toujours peur de ne pas avoir le temps de pratiquer le sport. Les jeunes ou les parents, à ton avis ? Les deux. Les deux. Les deux. Parce que déjà au collège, on nous dit, je ne sais pas s'il reviendra l'année prochaine parce que il entre en sixième, ça va être compliqué. Mais je pense que c'est une question d'organisation et c'est aussi une question du culture, du sport. Je pense que dans d'autres pays, comme les États-Unis, on se pose pas la question. On se pose pas la question. C'est intégré dans le cursus scolaire. Et pour moi, le sport, c'est important. Ça donne un équilibre. Ça les occupe aussi. Ils ne sont pas dans les parcs. Ou, il faut à un moment donné, il faut sortir de la tête des études. Effectivement. Effectivement. Ça irait, quoi. Et puis, c'est prouvé maintenant. C'est bon pour la santé. Au niveau de la proportion homme-femme dans l'athlétisme, toi, sur Vendeuvre, vous en êtes ? Alors, ces dernières années, on a une domination des femmes. Ah oui ? J'ai 46% et c'est la même tendance cette année. J'ai 46% d'hommes oui. et 54% de femmes. Et on le voit aussi chez les petits. On a beaucoup plus de filles que de garçons. D'accord. Effectivement. Je pense que c'est le foot qui... Ah, qui phagocyte les effectifs des garçons. Les pères vont vers le foot. D'accord, d'accord. Et les filles sont plus axées athlètes. Après, est-ce qu'il y a une demande d'athlètes, ils vont vers des disciplines, entre guillemets, simples, comme la course à pied, ou est-ce que t'en as qui sont intéressés par du saut à la perche, des filles ? Il y en a beaucoup qui viennent pour courir. Ouais. Pour eux, l'athlétisme, c'est la course. C'est la course. Ouais. C'est la course à pied. Il y en a énormément qui viennent parce que ils veulent faire de la course à pied. C'est le plus facile à mettre en œuvre en plus, quoi, je pense. Je pense aussi. Et puis c'est plus naturel entre guillemets. Oui. Après, c'est vrai que quand ils arrivent, ils changent. Ils vont plutôt vers les. Il y en a certains qui se découvrent sauteurs, d'autres lanceurs. Le but, c'est de faire découvrir tous les sports. En fait, quand ils viennent pour la course, c'est de leur faire découvrir aussi les autres disciplines, quoi. Mais de toute façon, en école d'athlète, ils sont obligés de pratiquer les trois. Oui, jusque Benjamin, on les oblige un petit peu à faire tout pour qu'ils découvrent un peu tout. Et se spécialisent justement à partir de cadet, donc c'est-à-dire au lycée. D'accord. On va dire. Bah, Anna, du coup, à toi, même punition, hein, les mêmes questions, quoi. Au niveau adhésion, t'as remarqué quelque chose Au niveau adhésion, non, on est toujours sur la même lancée que l'année dernière. Après, nous, c'est pas les effets JO qui font tout ça, c'est l'effet MMA. D'accord. Donc le MMA est rentré en France depuis 2 ans. Ça nous a pris énormément d'adhérents, on va dire. Ouais. Mais après, on est resté sur une saison assez stable. Pour la saison 2023-2024, on était à 220 licenciés. Ouais. Et pour la part des féminines, c'est pareil, comme Layla, on a une hausse de femmes. Il y a plus de femmes. On est à 48%, donc l'année dernière, sur 120 licenciés, il y avait 108 femmes licenciées. Alors, tu penses que c'est un effet, pas d'aspiration, c'est pas le bon mot, mais elles se libèrent plus, ou c'est de voir d'autres femmes gagner, justement, ou en MMA, il y a une plus grande représentativité des femmes, et du coup, ça leur permet d'arriver ? Je pense qu'à Vendeuve, j'ai été assez longtemps la vitrine de Vendeuve et puis je suis une femme, donc ça lance beaucoup de personnes. C'est grâce à toi, en fait. Non, je ne veux pas dire ça, mais... un petit peu quand même. On va dire que ça a beaucoup fait bouger les choses et c'est important de le souligner. Et ensuite, on a aussi la boxe française, c'est vachement esthétique. Et donc, forcément, ça amène les femmes. Et on a aussi fait en sorte de faire des créneaux uniquement réservés aux femmes. Ah, il y a des créneaux universels. Ouais, d'accord. On a constaté au fur et à mesure des années que les femmes, en fait, n'osaient pas rentrer dans la salle de boxe. À cause des hommes ? À cause du regard d'autres personnes, on va dire. Je ne veux pas dire des hommes, mais c'était se mélanger, etc. Oui, oui, oui. Elles avaient peur, on va dire, pas peur, mais elles franchissaient moins la porte. Du coup, on a fait ces créneaux et ça marche très, très bien. Et du coup, alors les créneaux, ceux qui viennent sur les créneaux uniquement féminins, après, est-ce qu'ils redemandent à basculer sur des créneaux mixtes ou une fois qu'ils sont bien entrés dans leur truc, ou est-ce qu'ils restent plutôt sur le féminin ? Alors, elles peuvent accéder à tous les cours. Ouais, ensuite, elles participent ou non, mais... De ton constat, tu remarques quoi ? Elles se libèrent un petit peu après ? Elles se libèrent, certaines se libèrent, oui. Et certaines, on leur groupe et... Ouais, le grand groupe d'amis, ça, fait ça fait l'activité, elles restent entre elles. Elles se font des repas après la boxe, etc. Ouais, donc, sympa. Voilà, elles aiment bien leur groupe. Et du coup, toi, en tant que vitrine de Nancy, on va dire, vitrine de vendeuvre pour la boxe, ça te fait plaisir? Enfin, si ça fait 20 ans, t'as milité un petit peu pour ça, pour que les femmes accèdent à la boxe ou Non, pas sans plus, c'est venu. Ouais, toi, c'était déjà la passion. C'est ça, c'était la passion et je milite déjà pour moi. Et j'ai fait la boxe, c'est pas un sport comme le foot où on prend du plaisir, etc. C'est beaucoup de sacrifices. Ouais. On se prend quand même des coups. Ouais. Et on peut pas sur le ring se dire à son collègue, bah tiens, je te passe la balle et puis c'est à ton tour. Mmh. En fait, on est sur le ring et c'est toi ou moi en fait. Donc. Et non, j'ai jamais eu le temps de militer pour ça. Mais ça te fait plaisir quand même de voir qu'il y a plus de... Oui, ça me fait plaisir, forcément. Ouais. Et puis je pense que tout le travail que j'ai fait, ben, ça se répercute aujourd'hui. Et le niveau, du coup, monte un petit peu peut-être aussi, si t'as plus de candidates, entre guillemets, ça te fait plus de... Ça hausse un petit peu le niveau de sportif ou pas? Alors, certaines viennent plus pour le loisir. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de compétitrices. Il y en a quand même, mais c'est plus au niveau asso. D'accord. Voilà, c'est plus, ouais, c'est plus dans le sport loisir, on va dire. C'est ça. D'accord. Donc, il y a encore un petit peu cette appréhension de... si je vais en compétition, je risque plus des coups, des choses comme ça. Je ne sais pas si tu en discutes avec les autres nanas, non? Non, non, non. Elles sont... Je pense que les filles sont plus vaillantes encore que les plus hommes. Vaillantes, ouais. Et donc, selon toi, qu'est-ce qui pousse les femmes à pratiquer un sport de combat? Alors déjà, pour toi, qu'est-ce qui t'a attiré vers la boxe? Bah moi, j'ai essayé plein de sports et j'ai essayé la boxe. Mon entraîneur m'a directement remarqué. J'ai commencé par la boxe thaïlandaise. D'accord. Et ça a été un exutoire pour moi. Je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est beaucoup timide. Et du coup, mais ça se voit pas. Voilà. Et du coup, quand je boxe, je suis une autre personne. Et c'est ce que j'ai aimé, en fait. C'est ce qui et t'a, du coup, c'est j'ai ce qui pas t'a lâché. Plu. C'est ça. Et donc, en discutant avec d'autres pratiquantes, tu sais ce qui les attire un petit peu? La confiance en soi. Ouais, il y a une recherche de confiance en soi. Ouais, ça donne très confiance en se disant, enfin, je sais pas si à partir du moment où c'est frappé dans le cadre du sport, je peux me défendre dans la rue, c'est un peu ça? Un peu ça, ouais, un peu de self-défense, on va dire. Et puis, elles dépassent leurs limites. Et il faut savoir qu'en boxe, le plus dur, c'est pas de mettre des coups, c'est d'accepter les coups. D'accord. Et c'est un combat avec soi-même. Donc, je pense que c'est ça qui attire les personnes. Quand elles comprennent ça, elles voient le sport différemment. Et puis, elles essayent de combattre contre elles-mêmes, en fait. D'accord. Ben, merci les filles. Défi sport sur Fadjet. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci donc Laïla, Anna et évidemment Lise. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport.